D'ailleurs, vous le faites, et bien progressez encore. C'est simple. C'est ça l'exhortation. Progressez dans votre démarche avec Christ. Je ne sais pas, mais vous êtes d'accord avec moi, on dit que si tu ne progresses pas, tu recules. En quelque part, hein, c'est comme une voiture dans une pente. Si tu n'avances pas, tu es mieux de mettre tes freins sérieux. Et là, c'est dur sur le mécanisme. Il faut avancer, il faut progresser. L'exhortation, c'est ça. On s'exhorte les uns les autres à avancer. L'idée de regarder un don comme ça, c'est de retourner dans l'Ancien Testament pour voir que c'est pas, hein, soudainement c'est apparu dans le Nouveau Testament. Non, c'est là dans l'Ancien Testament, c'est équilibré. Dans l'Ancien Testament, le roi Salomon, qui a écrit les Proverbes. Les Proverbes, d'ailleurs, si vous avez, je sais pas où commencer la Bible, l'idée, lisez un proverbe par jour, il y en a 31. Lisez un proverbe par jour, 2, 3, Psaumes peut-être, et choisissez un livre. Ah, aujourd'hui, je vais lire Éphésiens. Puis commence-le aujourd'hui. Si tu as 8 minutes, lis 4 minutes d'Éphésiens, puis 4 minutes du reste. Si tu as une demi-heure, ben lis 25 minutes d'Éphésiens. Tu vas probablement le finir. Ensuite, tu commences un autre livre. C'est très simple. Et Dieu va vous parler très clairement. Mais l'exhortation, le roi ici, dans Proverbe 3, il dit, et vous connaissez le verset, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » C'est le roi qui dit ça. Fais ça. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ça, c'est pas un ordre. Faites ceci. C'est un encouragement. Hey, écoute, ne t'inquiète pas. Reconnais Dieu, il va t'aider. Ah! D'ailleurs, quand tu lis les Proverbes, tu te sens exhorté, encouragé, stimulé aux bonnes œuvres. C'est bien. Le roi Salomon dans l'Ancien Testament. Évidemment, il y a plusieurs références à l'exhortation dans l'Ancien Testament, mais le roi Salomon, de même, on dit David avait un don ou une capacité d'exhorter et les autres et lui-même. Il savait comment s'encourager. Tu sais, quand il priait dans ses psaumes, on sent qu'il a la capacité de s'exhorter et d'exhorter les autres. On saute au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Pierre, vous vous souvenez, ce bonhomme intense, Pierre, lui, a reçu de Jésus plusieurs exhortations. Vous vous souvenez, Pierre n'arrêtait pas comme le petit garçon à l'école, n'arrêtait pas de mettre ses pieds dans les plats, de faire des niaiseries et de se retrouver devant le directeur, finalement. C'était le gros qui disait tout ce qui lui passait par le cœur. Ben, c'est bien, mais il devait être exhorté par Christ. Et c'est ce que Christ fait. Christ l'exhorte. Pierre, je t'en prie, continue à faire des choses. Et là où on le voit le plus précisément, c'est dans Jean 21, 15, je vous le lis. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus dit à Pierre, « Occupe-toi de mes brebis. » Ça, c'est un encouragement, c'est une exhortation. Ce n'est pas un commandement. « Pierre, viens, occupe-toi de mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Pierre, je t'en prie, sois utilisé par Dieu dans cette économie biblique et chrétienne. Il encourage Pierre. Regardez ce que ça fait dans la vie de Pierre. Lorsqu'on est encouragé, à notre tour, on encourage les autres. C'est pour ça qu'il y a des églises, malheureusement, où l'exhortation n'est pas très forte, où et de la chair et des uns des autres. Il y a, ce qu'on disait tout à l'heure, le don de la condamnation. Ça, c'est très, très fort. D'ailleurs, on est très talentueux là-dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut pratiquer ça avec grand zèle. Je te condamne. Tu as tort. Tu ne suis pas Dieu. Tu devrais faire ceci. Il y a des gens dans l'assemblée! Hein? Et cette espèce de tension constante où on se sent toujours attaqué, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut faire à travers le pasteur et c'est sûrement pas le don de l'exhortation et ce n'est pas non plus la capacité de nourrir une brebis. Tu la nourris pas à coups de bâton, mais tu la nourris à coups de nourriture et tu la diriges. Lorsqu'évidemment elle s'éloigne pour aller voir un loup, tu dis « Viens ici ». Et s'il faut, en cas d'urgence, oui, tu peux utiliser le bâton pour forcer la brebis, mais ça, c'est en cas d'urgence. On voit ça dans Matthieu 18 et d'autres passages. Mais donc, l'exhortation, c'est édifier, c'est fortifier. On en a bien besoin dans l'Église parce que le monde est dur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde ne vous exhorte pas. T'es un chrétien, mais t'es tombé malade mental. Et non seulement ça, mais dans votre travail, en tout ce que vous faites, on va souvent vous dire à quel point vous n'êtes pas fameux, finalement. Cette espèce de tension-là où les gens essaient toujours de se montrer meilleurs que vous en vous écrasant. Ce n'est pas l'exhortation de toute évidence. Pierre devient quelqu'un qui exhorte. Venez avec moi dans 1 Pierre 5, petite lettre, à la toute fin du Nouveau Testament, avant Jean, ou 1 Jean, pardon, et 2 Jean. 1 Pierre 5, 1 à 9. Et là, on voit le résultat d'un homme qui s'est fait fortifier, encourager, exhorter par Jésus-Christ. Et c'est ce que vous devez devenir, messieurs, dames. Vous devez comprendre que si moi ou d'autres vous exhortent, vous devez vous-même devenir des gens qui exhortent d'autres. Je ne sais pas si le mot « exhorteur » existe, je ne pense pas. Hein? Exhortateur, exhorteur, je ne pense pas. Donc, exhortateur, enfin. Devenons des exhortateurs, si cela est français, sinon effacez ça de la cassette immédiatement. Bon, regardez ça, 5.1. « J'exhorte donc, Pierre, dit-il. » Il ne dit pas « Je vous condamne, je vous force, je vous impose. »« J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. » Regardez, là, il y a une liste. « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. » Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, comme on vient de dire, justement, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilliers, mais il donne à sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Il répète des choses que Jésus avait enseignées. Il répète des choses qui sont écrites ailleurs dans la Bible. Il dit simplement, activez, mettez en action les choses que vous connaissez, messieurs, dames. C'est vraiment rafraîchissant de voir que quelqu'un comme Pierre, qui pourrait et qui a l'autorité de nous battre à coups de bâton, de dire, fais ci, fais ça, et il ne le fait pas. Il exhorte. Il exhorte. Paul, même chose. Paul, un bonhomme quand même assez intense, un bonhomme qui pourrait aussi appliquer le don de la condamnation, fait la même chose. Il dit « Soyez toujours joyeux » dans 1 Thessaloniens 5, 14. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce. N'éteignez pas l'esprit. Nous vous y exhortons, frère. » Voilà comment ça commence. « Nous vous y exhortons. » Tu vois, il y a une espèce de tendresse. « Ah, les gars, arrêtez de niaiser. Arrêtez de vous éloigner de Dieu. Arrêtez. » C'est cette tendresse-là qu'on a besoin dans l'exhortation. C'est que le pasteur ou les uns les autres a un désir de voir les gens changer. Exhortez-vous les uns les autres. Laissez-moi vous exhorter. Exhortez-vous. Ce don est important, messieurs, dames. Et pourquoi on dit que c'est un don? Bon, ben, tout le monde peut exhorter, ça c'est certain. Mais attention, quand on dit un don spirituel, c'est donc un don qui est énergémata, comme on avait vu, qui est énergisé par l'Esprit-Saint. Il y a des gens qui peuvent vous encourager, oui, mais il y a des gens qui sont particulièrement efficaces à le faire. À chaque fois qu'ils parlent, ou souvent lorsqu'ils ouvrent leur bouche, vous vous sentez édifié. « Ah, qui me fait donc du bien, cette personne-là, ah, ça fait du bien, je ressors édifié. » Lorsque je prends un café avec José, avec Mireille, avec Georges, je repars, puis comme j'ai une meilleure perspective sur la vie, je suis encouragé. Ça, c'est un don de l'esprit. Oui, on peut se forcer. Bon, écoute, arrête donc de t'inquiéter. Le Seigneur est en contrôle. Tout va bien aller. OK, donc, agaçant avec ses problèmes. Ça, vous n'avez pas le don de l'esprit. De l'exhortation, ça, c'est garanti. Mais si vous prenez plaisir à exhorter, si naturellement, vous voulez toujours édifier votre prochain, c'est que l'Esprit-Saint vous a fortifié particulièrement pour cette cause. Et vous devez donc l'utiliser. Je vous exhorte à exhorter, si c'est votre cas. Hein, à être utilisé, à vous exhorter les uns les autres. Ce don est important parce que dans 1 Timothée 4.13, 2 Timothée 4.2, c'est associé à la doctrine. On dit garder une bonne doctrine, enseigner la parole. Puis nous, c'est clair qu'à Calvary Chapel, on considère la doctrine comme très importante. L'enseignement de la Bible, c'est très important. Mais attention, on considère aussi dans la même pensée que l'exhortation est vitale. C'est pour ça que quelqu'un comme Chuck Smith, qui est parti du mouvement, tu l'entends, c'est comme un grand-papa qui veut te prendre, puis qui veut te lever, puis qui veut t'édifier. Il n'est pas là en train de te marteler à coups de Bible. Quoique sa connaissance biblique, elle est incroyable. Mais tu te sens comme, ah, waouh, j'ai envie de suivre le Seigneur aujourd'hui. Et j'espère très humblement que ce que vous sentez lorsque vous partez d'ici, pas caressé dans vos péchés personnels, oh, ben tiens, il accepte tout, ah, car oui, on peut tout être, tout faire. Non, à qui en vous, vous pouvez grandir dans la connaissance de Christ en étant édifié à changer, à être plus comme lui. C'est ça? C'est ça la beauté. Alors, je vous appelle à exhorter si vous avez le don. Sinon, utilisez-le quand même. Hein, dépassez-vous, mettez le jugement de côté et exhortez. On regarde ensuite une autre partie de cette réalité-là qui est d'aider l'autre, d'aider son prochain. C'est la miséricorde. Romains 12, 8. On y revient si vos doigts ne sont pas trop échaudés. Romains 12, 8. D'ailleurs, on devrait garder un petit ruban là, mais enfin. 12, 8 nous disait, celui qui préside à la fin de 12, 8, celui qui préside avec empressement et celui qui exerce la miséricorde avec douleur et souffrance, avec demande, non, avec joie. Encore une fois, merveilleux, on voit l'équilibre de la parole. La miséricorde, c'est intense, messieurs, dames. Offrir la miséricorde aux autres, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis ensuite, Dieu nous dit, faites-le avec joie. Je vous demande de faire quelque chose de miraculeux, d'impossible, puis ensuite, souriez pendant que vous le faites. Alors, c'est la Bible, hein? C'est cette espèce d'équilibre merveilleux entre... C'est la tension, c'est vérité en tension. La miséricorde, c'est une des qualités de Dieu, de sa personne. La personne de Dieu, elle est miséricordieuse. C'est assez difficile à dire comme mot, miséricordieuse. Le mot grec, c'est éléon. Éléon. Éléon, ça veut dire pitié, miséricorde, compassion. Donc, miséricorde, c'est celui qu'on comprend le moins, qui est le plus catholique en tant que son, évidemment, qui a été utilisé et surutilisé dans notre passé ici au Québec. Mais la compassion et la pitié, on comprend ça. J'ai donc pitié pour lui. Fais donc pitié. Oh, j'ai la compassion quand je le vois. Là, j'ai le cœur qui fend pour lui, pour elle. La compassion, la pitié, la miséricorde. Dans le psaume 103, venez avec moi. Psaume 103. On voit les caractéristiques de Dieu et de sa miséricorde. 103, verset 8. Et vous voyez même que le mot grec, et dans ce cas-ci le mot hébreu, qui est utilisé pour miséricorde, peut aussi être traduit compatir ou compassion. Verset 8 du psaume 103. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Verset 13. Comme un père a compassion à ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La compassion. La compassion. Wow! Et Dieu merci qu'il est un Dieu de compassion, parce que regardez vos vies en tant que chrétien, mais surtout vos vies avant votre chrétienté, on s'imagine bien qu'il nous aurait détruits, il nous aurait mis de côté de façon permanente. Donc, il a une compassion pour nous qui est merveilleuse. Dieu miséricordieux. Souvent, la miséricorde, elle est confuse avec la grâce. Bon, là, on parle de grands termes bibliques, théologiques, c'est important. La grâce, c'est la relation par rapport à la culpabilité de l'homme. La grâce, c'est ce qu'on doit obtenir à cause de notre culpabilité. Parce que, vous savez, nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous avons raté la cible. Le mot « péché » veut dire « rater la cible ». Et nous sommes donc coupables. D'accord? Donc, nous devons recevoir la grâce de Dieu. La miséricorde, c'est pas la même chose. Mais moi, il me semble que c'est tout mélangé. On va démélanger ça tout de suite. La miséricorde, c'est en relation à la misère de l'homme. La culpabilité de l'homme, grâce, la misère de l'homme, et quand je dis homme, je dis l'humanité, la misère de l'homme, de l'humanité, à cause de notre péché et le péché des gens autour de nous, nous sommes misérables. Nous sommes dans la souffrance. Si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, vous le serez demain. Excusez-moi de vous l'annoncer, c'est la vérité humaine. Quand on ne souffre pas aujourd'hui, on souffre demain. Quand on ne souffre pas demain, on souffrait hier. J'ai une amie en ce moment qui est Isabelle de l'Église, qui est alitée avec une incision de 14 pouces sur le ventre, qui, il y a 3 mois ou 2 semaines, elle n'avait pas ça. Un jour, tu es bien, l'autre jour, tu ne l'es pas. Mais donc, en relation à la misère d'Isabelle ou de chacun de nous, Dieu a la miséricorde. Il y a une autre façon d'écrire ça. On dit que la grâce, c'est recevoir ce que l'on ne mérite pas. On reçoit l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la tendresse de Dieu. On ne le mérite pas, ni vous ni moi. Et la miséricorde, ce n'est pas recevoir ce que nous méritons. Je vous l'avais dit, un jour, je me fais arrêter par un policier, je suis en train de monter une voie, un sens unique, de l'autre côté. Je regardais toutes les autos, j'étais tout du mauvais sens. Je dis, bon, il faudrait bien que les gens apprennent à stationner. Et là, évidemment, il y a une police derrière moi. Et effectivement, je suis en train de monter dans un sens unique. Et cette policière-là, elle me dit, je n'ai jamais fait ça, mais je vais vous faire miséricorde. Évidemment, elle n'a pas dit ça, mais elle m'a dit, je ne vous donnerai pas de billet, j'ai pitié de vous, parce que j'avais un immense rhume, j'étais vraiment pas bien. Et elle m'a, finalement, elle a eu le comble de la compassion, elle ne m'a pas donné ce billet-là. Le billet, je le méritais, pas à peu près, non seulement ça, mais je voulais vous souvenir, quelques minutes plus tôt, elle m'avait arrêté à nouveau, elle m'avait mis sa petite sirène pour m'indiquer que je devais bouger parce que j'étais dans un non-stationnement. Donc, ce n'était pas mon matin, de toute évidence. Donc, deux fois de suite, et là, elle m'a dit, je pourrais te donner 600$ de billets comme ça. J'étais juste allé reconduire mon fils à l'école. Mais elle ne l'a pas fait. Ça, c'est la miséricorde. C'est merveilleux. D'une policière. Dieu merci. Dieu est d'autant plus miséricordieux, il ne nous donne pas bien des billets, bien des 600$, ça c'est chaque jour. Dans Osée 14:3, cela dit, car auprès de toi, l'orphelin trouve la compassion. La compassion ou la miséricorde est souvent associée à quelqu'un qui a un gros rhume le matin, en deux mots, quelqu'un qui est vraiment pas bien, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de papa, qui est esselé, et il y en a beaucoup autour de vous. Il y en a beaucoup, il y a des sans-abri, il y a des dames qui ont perdu leur mari, il y a des souffrances partout autour de nous. Et tout près, pas besoin d'aller en Afrique, là, c'est tout près de vous. La compassion et la miséricorde s'appliquent particulièrement à eux. Mais comme vous, des fois aussi, vous vous retrouvez dans des états lamentables et vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Il est miséricordieux. C'est la compassion du cœur. La compassion du cœur, l'idée, c'est dans 1 Corinthiens 12:26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Bon exemple, Isabelle, encore une fois, Isabelle n'est pas avec nous, elle souffre et on est tous attristés qu'elle ne soit pas là. Isabelle, une dame, elle a même son sourire extraordinaire, d'ailleurs, elle a le don de l'encouragement et d'autres dons, mais c'est une dame merveilleuse. Lorsqu'elle n'est pas là, on souffre tous un peu, mais Isabelle n'est pas là, ensuite on planifie aller en France, faire un voyage missionnaire, on ne pourra pas y aller. Tu vois, il y a une souffrance commune au fait que quelqu'un souffre. Donc, la compassion ou la miséricorde, ça nous unit. C'est comme dire, waouh, on est tous un en un. On est tous unis par le fait que Dieu nous donne cette compassion-là. C'est la sympathie dans les souffrances. On vient de parler de la souffrance. Encore une fois, il y en a partout autour de nous. Je pensais d'ailleurs à Andrea et Jason qui viennent d'avoir leur enfant. Ça a été, si vous avez reçu l'email, ça a été un dur accouchement, 26 heures. D'ailleurs, elle vous en parlera plus davantage, mais ça a été très, très difficile. Et Jason m'a appelé à 1h30 du matin, alors que nous, on pensait qu'il avait eu l'enfant en plein après-midi. Donc, 12 heures plus tard, il m'appelle. Il pouvait à peine parler. Tu sentais qu'il était complètement épuisé. Il dit, le bébé n'est pas là, il n'est pas arrivé encore. C'est pas quand il arrive. Tu voyais qu'il était à bout de souffle. Évidemment, j'ai deux enfants. On a vécu quelque chose de similaire. Et j'avais une compassion pour lui dans l'estomac. Je le sentais. Oh non! J'aurais aimé ça qu'ils soient bien, que leur enfant soit né, que la situation soit facile. Et je le sentais, je ne pouvais pas dormir. Cette compassion-là, c'est Dieu qui me l'a donnée ce soir-là. J'ai la logique aussi de la chose, mais c'est Dieu. La compassion, le don de la miséricorde, on a tous une capacité de miséricorde, ça c'est certain. Mais certains d'entre nous sont particulièrement miséricordieux, sont particulièrement capables d'avoir la compassion. Ils sentent vraiment avec vous vos souffrances. Vous en connaissez des gens qui, oh ben tiens, c'est dommage, ben j'espère que ça va mieux aller, on se voit la semaine prochaine, ciao. Qui dans le fond, oui, ils sont tristes pour vous, mais ils sont incapables de vraiment sentir des émotions à vos côtés. Alors qu'il y a d'autres qui sont surnaturellement équipés par Dieu pour vivre avec vous vos déboires. D'ailleurs, une maman, souvent, peut avoir cette capacité-là, et cette capacité-là va être ensuite énergisé, énergémata par l'Esprit Saint pour lui permettre d'avoir une espèce de don surnaturel, d'avoir une empathie pour son enfant. La naissance d'Andrea Jason. Il y a une belle histoire d'une petite fille qui revient à la maison et qui dit « Maman, ma meilleure amie a perdu sa maman. Sa maman est morte. » Et elle était en pleurs et sa maman lui dit « Oui, mais qu'est-ce que tu lui as dit à ta petite amie? Comment tu l'as aidée? » La petite fille dit « Maman, je me suis assis près d'elle. J'ai mis mon bras autour d'elle et j'ai pleuré avec elle. J'ai pleuré avec elle. » Vous savez, les platitudes faciles. Ah, oh, ben, tu sais, le Seigneur est en contrôle. Surtout nous, en tant que chrétiens, on est maîtres là-dedans. Les gens dans le monde ont souvent plus d'empathie que nous-mêmes parce que, ben, eux, ils n'ont pas la version de Dieu puis ils se disent, ben, il faut que je sois là pour cette personne-là. Les platitudes, messieurs, dames, oubliez ça. Lorsque les gens souffrent, à moins que Dieu vous montre vraiment quoi dire, venez et souffrez avec elle. Amenez une tarte, amenez cette personne à voir un film. Juste être là à côté, c'est ça. Et c'est ça que Dieu va vous donner. La miséricorde dans l'Ancien Testament, on le voit. On voit toutes sortes d'endroits. Il y a Lot qui ne s'est pas fait détruire avec Sodome et Gomorre, que ce personnage-là qui ne méritait pas d'ailleurs de vivre. Sodome et Gomorre est détruit par Dieu, jugé par Dieu. Et dans Genèse 19:19, Lot dit, « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » Il voyait, « Hey, tu m'as sauvé, c'est ça la miséricorde. Wow! » Messieurs, dames, reconnaissez ce que Dieu a fait dans vos vies. Il vous a montré miséricorde. Dans Néhémie 9:31, je vous dis quelques petits trucs là. « Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les extermineras pas, tu ne les abandonneras pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » C'est un Dieu comme ça qu'on sert. Oh non! Dieu, là, il est sur son nuage, il est en haut, c'est le bon Dieu, puis il vous surveille. Vous êtes bien mieux de faire attention parce qu'il va vous serrer les ouïes. C'est ça la version, malheureusement, de la religion nationale québécoise, qui fait que les gens ont quitté, n'ont aucun intérêt à avoir un Dieu qui martèle, alors que c'est un Dieu d'amour. Oui, bien sûr, le péché a un prix, mais c'est un Dieu de compassion et de miséricorde. Lamentations 3:22. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Lamentations 3:22, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Avez-vous remarqué, des fois, on se dit, « Hey, que Dieu était bon, je me suis presque fait frapper hier, j'ai fait des niaiseries. » Et là, aujourd'hui, à nouveau, je sens que Dieu est avec moi. Il m'aide, il me fortifie, il me guide. Wow! Il se renouvelle chaque matin. Daniel 9:9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon. Voilà le Seigneur que vous servez. Est-ce que nous sommes comme ça? Ben non. Nous, on aime la vengeance. Nous, on croit finalement qu'un œil pour un œil, puis une dent pour une dent. Tu m'en as fait baver. Tu m'as coupé sur l'autoroute, attention, tu m'as coupé aussi. Je suis chrétien, c'est pas grave, j'ai pas de poisson en arrière. Ils ne sauront pas. Hein? Nous autres, on a la vengeance, ça satisfait. Non, mais c'est-tu assez satisfaisant, une bonne petite vengeance? Je ne parle pas de retuer quelqu'un, mais là, tu m'en as fait baver, là. Puis on a nos chicanes maritales, c'est constamment comme ça. Ah, ben là, tu n'as pas été correct, je ne serai pas correct. OK, mais c'est où la compassion? C'est où la miséricorde? Imaginez-vous, si on servait un Dieu comme ça, nous serions tous exterminés, c'est pas compliqué. Il n'y aurait personne ici. Personne. Dans le Nouveau Testament, évidemment, c'est Jésus qui est l'exemple ultime. C'est pas compliqué. Jésus, c'est l'exemple de la miséricorde incarnée. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, dans Matthieu 20:29, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles, et on voit la souffrance, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, saisis de compassion !» Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Écoute, Jésus, c'est un professionnel. Il guérit des gens comme ça. Pourquoi il y a la compassion? À la limite, d'ailleurs, on va voir des médecins et on se dit, mais oui, où la compassion, monsieur médecin, madame médecin? Eux autres, ils sont tellement efficaces que c'est aux 8 minutes, puis tu sais, des fois, en tout cas, ils ne sont pas tous comme ça, évidemment, mais on a l'impression que c'est des machines à guérir. Si Jésus avait été comme ça, il aurait choisi qui il guérissait quand c'était à son avantage. Jésus guérissait Et la preuve, c'est qu'il vous a guéri, vous. Il vous a sauvé, vous. Il vous a sauvé, vous. L'histoire du bon samaritain aussi, vous la connaissez. Le bon samaritain, cette personne-là qui aide quelqu'un en problème grave, cette personne-là qui est en train de mourir sur le bord du chemin. Et ce qu'on voit dans Luc 10, 36, c'est Jésus qui explique « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » Luc 10, 37, il répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » C'est ça la clé, c'est la miséricorde. Pas facile, pas facile. Écoutez, c'est pas compliqué, on écoute les nouvelles, et là on voit des gens qui meurent de faim. Qu'est-ce qu'on fait? 6 fois sur 10, on change de poste. Hein? Trop élevé, là. Je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim, mais j'ai envoyé mon chèque il y a 8 mois, là, c'est correct. Hein? On veut s'en sortir de la pauvreté, de la souffrance. Je comprends. Je ne vous dis pas constamment, il faut envoyer des chèques chaque jour. Mais il faut avoir cette compassion. Il faut demander à Dieu que la compassion grandisse. Et si vous avez le don de la compassion, vous le savez, parce que votre vie, elle est dans la vibrance intérieure. C'est le splankna. Ça, c'est le terme qui parle de l'estomac. Souvent, vous sentez comme, « Oh, man, c'est Dieu ce qui se passe à lui, à elle. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? » On le sent, on a ce désir-là. Donc, le bon samaritain n'avait rien à gagner d'aider cet individu qui était en grande souffrance. D'ailleurs, c'est ça. La vraie miséricorde, vous ne gagnerez rien. Hey, je vais vous remarquer, wow, t'es vraiment une personne généreuse, tendre. Tu aides ceux qui sont pauvres, ceux qui sont... Non, l'idée, c'est que vous le faites parce que vous avez un plaisir. C'est ça, ce don-là. D'ailleurs, si vous l'avez, mettez-le en action. Commençons des ministères à Montréal pour les sans-abri. D'ailleurs, on veut faire ça. On a déjà un désir. Il y a quelqu'un dans le service anglais qui veut faire ça. Peut-être les gens âgés à Montréal. J'ai quelqu'un récemment qui a été dans une situation. Il a été en contact avec des détenus. Il dit que la souffrance est incroyable. Évidemment, voilà pourquoi il y a plusieurs ministères dans les prisons. Si vous vous sentez appelé à faire cela, faisons-le. Si vous vous sentez appelé à nourrir des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, faisons-le. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a de la place. Et l'Église chrétienne devrait transcender nos murs et activer, mettre en action cette miséricorde qu'on devrait avoir. Venez avec moi dans Luc 6, 36. Et on va terminer dans un instant. Luc 6, 36. Ah bien, verset 35. Jésus nous parle. « Mais aimez vos ennemis, 6, 35, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Verset 36, c'est pas compliqué. « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Nous sommes tous appelés à l'être. Nous sommes tous appelés à développer cette capacité d'avoir pitié, compassion, miséricorde pour ceux qui souffrent autour de nous. Bon, là, c'est lourd. Là. Écoute, tu me dis d'écouter toutes les BBC News où tu vois les gens en Afrique qui meurent de faim. C'est ça que tu me dis. Puis ensuite, il faut que je donne plus d'argent. Puis ensuite, il faut que j'aide. Puis ensuite, c'est ça que tu me dis. Pas nécessairement. Dieu va vous inspirer. Va vous énergiser, va vous donner cette inspiration-là. Priez pour cela. Si vous avez le don, vous le savez déjà. Et ensuite, utilisez-le. Mais ce qui est important, et c'est ça l'équilibre, c'est que dans Romains 12, 8, vous vous souvenez, ça dit « pratiquez-le avec joie ». Avec joie. Ah non, c'est dur d'aider les autres. C'est dur d'être pasteur. Toujours des problèmes. Les gens ne sont pas bien. Ils m'appellent. Imaginez-vous. C'est ma joie. Les gens me disent « Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir appelé. » C'est mon plaisir. C'est là que je trouve ma satisfaction en Christ. D'ailleurs, on m'a dit que ce serait un de mes dons, le don de la compassion. Je souffrais, tu m'as compris. Mais pour moi, c'est pas compliqué, tu souffres, je suis là. Mais oui, je comprends, c'est sûr. Puis j'espère que ça va faire la même chose pour moi. Alors bien sûr, on peut s'attendre aux autres, puis les autres ne sont pas la même chose, mais c'est avec joie. D'ailleurs, le mot « joie », c'est « hilaros » en grec. Avec hilarité. Ah! Que j'aime donc t'aider! Tiens, prends mon argent, prends mon énergie, j'aime ça, je veux me donner, je veux me donner. Bon, peut-être que vous dites, c'est un peu flagué, demandez à Dieu de vous aider à avoir une compassion. D'ailleurs, notre monde de l'Ouest a été créé autour de la compassion chrétienne, les hôpitaux, les écoles, bien des endroits où il y avait, hein, c'était vraiment des gens de la foi qui faisaient cela. Matthieu 5:7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux, heureux. Seigneur Jésus, notre désir n'est jamais de mettre un fardeau, mais d'être heureux en faisant ta volonté, d'être dans l'hilarité en connaissant ta volonté, d'être satisfait en toi, Christ. Notre désir, Seigneur, aujourd'hui, c'est que les gens repartent exhortés, encouragés, à mettre ces dons en activation dans leur vie, dans l'Église, et de reconnaître peut-être que oui, j'ai déjà ça, c'est déjà un désir que j'ai. Seigneur, exhorte tes brebis, montre-leur ta miséricorde parfaite et merveilleuse. Nous t'aimons, Christ. Nous voulons être plus comme toi, et être plus comme toi, c'est être plus dans la pitié, dans la compassion, dans la miséricorde. Nous te donnons cette journée, cette semaine. Donne-nous l'occasion cette semaine d'avoir et de démontrer de la miséricorde envers notre voisin, notre personne, une personne, un individu autour de nous qui pourrait avoir besoin d'un encouragement, d'une exhortation, d'une édification et peut-être même d'une aide physique, matérielle, technique. Nous voulons nous donner corps et âme. Aide-nous à mieux le faire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.